Liberia. Je t'aime Liberia. Junior, aïe, aïe, Atoni Touba, aïe, aïe, George Weah, aïe, aïe, James Diba, aïe, aïe, Jonah B, aïe, aïe, Kevin Sebe, aïe, aïe, Massa Junior. Francis.